Ce rouleau encreur, généralement utilisé pour la linogravure et l'impression à la planche, sur des surfaces comme du bois ou du linoléum, a été utilisé dans le cadre du projet Lettres d'amour bactérienne.